Il dit pourquoi tout a volé. Il dit pourquoi tout est cassé. On a tous quelque part en nous la camisole au corps des fous qui nous empêche d'aller trop loin, d'aller glisser dans le fossé. Peut-être aussi se serrer. Elle dit je pourrais.